ne veut pas démarrer. Le vélo à la roue crevée. Les bus sont tous arrêtés. Il va falloir sûrement marcher. Je sais pas.